C'est quoi le bob? Voilà. Ça, c'est le bob mésentère. Hein? Là où il y a le mésentère, le divertiquer siège sur le bord anté-mésentéré. Hein? D'accord? Oui? Il siège sur le bord anté-mésentéré. À la partie terminale de l'artère mésentérique supérieure. Diverticule de Hodge, c'est une malformation congénitale très grande du type digestif. C'est pourquoi il s'y assure à la dernière ligure, c'est-à-dire. Oui, aussi, il y a deux choses qu'il faut rechercher en cas d'appendicite, qui me dit l'appendicectomie, il y aura ça, c'est le diverticule de Meckel et le kyste blanc-vert chez la jeune fille. Il faut les chercher systématiquement. Donc, diverticule. Il se trouve la terminison, l'ilion terminal, c'est-à-dire les derniers 80 cm de l'ilion. Des onces, environ 80 cm, il n'y a pas de diverticule, il n'y a pas de diverticule. Hein, dans le siège terme, quand tu gagnes notre diverticule, ce n'est pas diverticule de l'île. Donc le terme. La partie, donc, des 60 ou de 80 cm, c'est quoi? Ça correspond à la terminaison de l'artère mésentérique supérieure. Monsieur, où l'artère mésentérique supérieure est? C'est le vaisseau principal qui vascularise le type digestif. Quel est l'infarctus? Vous êtes maintenant touché l'infarctus et le mésentérique. À ta gauche. Merci beaucoup. L'infarctus et le mésentérique, c'est-à-dire. Bouche à l'artère, elle va se boucher. De toute la face, c'est du gars. Oui. De toute la carte. L'essentiel. L'artère, c'est une artère principale pour vasculariser le type digestif. Qu'est-ce que l'artère, là, il n'y a pas de cerveau. Donc, pratiquement, le type digestif va nécroser. Tout le grêle, le tronc enzymatique, c'est beau. Donc tout le grain est vascularisé par la terre mésentérique supérieure. Et le côlon droit, tout le côlon droit, pratiquement il passe du côlon gauche, partie du côlon gauche, c'est la terre mésentérique inférieure. La queue supérieure inférieure. Donc l'estomac, c'est autre chose. L'estomac. Il y a l'estomac, mais ce n'est pas compatible avec la cerveau. On peut enlever l'estomac, tout l'estomac, mais on ne peut pas enlever tout le grain. Donc, relié à l'ombilique par une bride ou les vaisseaux d'air, on a un de ses propres vaisseaux. La particularité, pourquoi on traite ce anal, il a une muqueuse hétérotopique. C'est-à-dire une muqueuse de type gastrique. Alors, l'estomac, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac? La muqueuse gastrique, il peut s'insérer. Donc il peut y avoir un ulcère d'un tableau d'appendicite mésocélien. Il peut donner un diagnostic différentiel, diverticule de Meckel. Il peut saigner. Donc il peut hémorragie, l'ulcère gastrique au niveau de diversité, donc c'est une gouttelette muqueuse gastrique, on a compris. Donc il peut perforer, être à l'origine de péritonite, d'origine diverticulaire, par perforation d'un diverticulaire. Donc il peut s'infecter, il peut s'insérer, il peut saigner, il peut perforer. Donc quand il a une bride, voilà, il a une vis qui me relie à l'ombilique, ça peut constituer un axe de torsion, donc des onces peuvent se tordre autour de cette bride qui constitue ce qu'on appelle un volvulus du grain. Donc une occlusion par volvulus autour d'un diverticule de Meckel. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est pourquoi il est traité tout seul. Donc avant, il n'y avait pas de diverticule. Diverticule de Meckel, un dame les caractéristiques, est-ce qu'il y a une question qui est là? Donc il faut le chercher systématiquement si on opère un appendice qui nous paraît macroscopiquement simple. C'est bon. On va faire un autre qui se fait ici. Donc, je vais vous résumer le traitement. Donc, Gulna, il y a un appellement de la radiologie interventionnelle à dire. Que tu as ? Il y a le traitement par voie classique chirurgie, donc une petite incision de McBurney. Il y a la cilioscopie. Il n'y a pas de différence. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de supériorité d'une technique par rapport à l'autre. Chaque technique a ses complications et ses avantages. D'accord. Donc le choix revient au malade. Le temps, c'est le même. C'est un premier temps. Généralement, le premier temps, c'est la confirmation. Donc, c'est l'exploration, confirmation, diagnostic. Est-ce que c'est l'appel ici? Donc, c'est explore. Soit la cilio, tu vois. Hein? D'accord. Deuxième temps, il faut ligaturer les vaisseaux. Là, hein, l'artère et la ventelle, donc c'est le mésoappendice qui est là. Troisième temps, c'est la ligature, la base appendiculaire, là c'est l'équilibre. Donc c'est ça, c'est ici. Hein. Deuxième temps, c'est l'appendice. Notre temps, c'est l'appendice tombé. D'accord, c'est l'exploration. Donc, il faut confirmer le diagnostic si c'est une appendicite. Deuxième temps, si c'est une appendicite, il faut ligaturer les vaisseaux. Troisième temps, il faut ligaturer l'appendice, la base appendiculaire. Et quatrième temps, faire l'appendicite. Donc, il coupe l'appendice. D'accord. Donc, ça, c'est une voie classique. Un petit appendice, action. Un appendice malade. Ça, si j'ai un appendice normal, je cache les vaisseaux. C'est un appendice hyperhémique, avec des fausses membranes. Donc c'est de la fibrine. Vous voyez les vaisseaux. Donc c'est un appendice. Ouais, c'est un appendice phlegmoneux. Donc comme Paulie, il va gonfler. Là, ça, c'est un appendice en voile, donc abcédé. D'accord. Voilà, c'est appendicite non confirmé à l'exploration, donc il faut chercher systématiquement le diverticule de Meckel. Et chez la jeune la femme, il faut chercher un problème annexiel. Principalement, le plus fréquent, c'est le fils de l'or. À droite. En conclusion, on revient sur la femme enceinte. Est-ce que vous posez la question sur la femme enceinte? Non, c'est. La femme enceinte, ça dépend du stade de la grossesse. D'accord? Diagnostic certain, il faut opérer. Et c'est la même voie d'abord. C'est la voie d'abord. Généralement, on opère par voie classique. Pour protéger la grossesse, il y a ce qu'on appelle la tocolyse. Il faut donner des médicaments qui empêchent la dilatation et l'ouverture du col. Ils empêchent de déclencher la douleur. Généralement, soit c'est le salbutamol. On utilise salbutamol à la fausse seringue. Seringue électrique. Un peu mieux la posologie nécessaire pour la fonction du poil. On cardiologue généralement à 2 cc, c'est-à-dire la seringue électrique. T'injectes 2 cc chaque heure. Dit pour protéger. Laquelle dernier trimestre? Voilà, au cours du travail, il faut réaliser généralement soit directement une appendicite et césarienne, ou là, il faut faire une appendicectomie et déclencher le malade à un travail. Mais ouais, il faut protéger l'enfant, la grossesse, quel que soit l'âge. Donc il n'y a pas de supériorité. Le diagnostic reste toujours difficile. intérêt qui a le diagnostic difficile. Il n'a pas de cancer. Il est non déprimé. On a recours des examens paracliniques et des scores biocliniques. Donc, on essaie pour éviter les laparotomies et les branches, 25%. Donc, on essaie de ne pas opérer toutes les douleurs. Moi, je dis, j'ai douleur. Donc, le dernier 18 ans, j'ai été opéré. J'ai un monsieur a un appendicite. Qui dit, le gars, il a 5 appendicites. Donc, il est bien. Donc, ça dépend. J'ai vu cilio authentique à la chirurgie classique. Donc, c'est demandant si le choix revient au malade ou là. Donc, certains. Voilà par exemple un exemple de score de François. Score de François, voilà. C'est le sexe, l'âge, la durée d'évolution des symptômes, la défense, l'hyperleucocytose. Donc chaque paramètre est coté. Donc voilà. Sexe, 10, 2, 1, si sexe se diminue, moins 1. Âge. Entre 50 plus 3, entre 29. 20 et 39 moins 1. Donc c'est ça. Et en fonction, on classe. Bon, je reviens sur le truc, ça, le win. Le score de François, qu'est-ce qu'il dit? François, Adam, c'est pour vous. Adam, 3 signes, t'as comme le tachdom. Adam, utilisez même l'accessibilité d'un. Même externe, 3 stage main interne, ou la garde main interne. Qui j'ai qu'un malade, il gagne une fièvre à 38. Ou tu gagnes une défense, la procédure de droite, ou tu gagnes une hyperleucocytose. Diagnostic 100% d'appendicite. 3 signes, ils peuvent. S'il n'y a pas de signes, la fièvre est inférieure à 38, il n'y a pas de défense, ou globule, pas d'appendicite à 100%. Qui te remet un douche d'hyperleucocytose, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de défense, ou il n'y a pas de température. Donc, oui, l'appendicite, c'est l'infection. Donc, pratiquement, le score de Flamand, en fait. Donc, le diagnostic est posé sur 3 signes. Défense, fièvre, hyperleucocytose. Si tu as un gars, tu peux dire, un peu à la porte de professeur, que le monsieur, j'ai une appendicite. J'ai un tableau de l'équipe appendicite. D'accord. La case de ma croche, tu vas décrire une appendicite. D'accord. Donc, le score de la transformation. C'est un moins 1, score, par exemple, score supérieur à 1. C'est l'appendicite qui est caché de G, quelque chose. Si le score de la femme est de moins 1, moins 2, moins 1, score moins 5, elle doute. Donc, il y a des examens complémentaires. L'imagerie, score inférieur à 5, pas d'appendicite. C'est l'intérêt du score. Donc, pratiquement, ici, des études réalisées sur des populations. خلص اليوم سبت هنا يا سيدي.